Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Rends les terres. Va te faire voir chez les Gracques. Voici deux frères, Tiberius et Caius Gracchus. Nous sommes à Rome, au 2e siècle avant Jésus-Christ. La République romaine connaît alors de terribles tensions sociales qui transparaissent dans la possession des terres. Les Gracques proposent de réformer tout cela avec des conséquences considérables, et pas seulement de leur vivant. Sûr qu'avec cette réforme agraire, la République est à deux doigts de craquer. Rome est gouvernée par la violence, mais ça remonte à l'époque des Gracques. Tiberius, un Octavius. Tiberius, Caius. Octavius, Scipion Émilien. Alors Tiberius, Diocios de Cume. Cornélie. Diophane de Mytilène. Tiberius. Autant Tiberius était doux et posé, autant Caius était fougueux et emporté. Une horrible boucherie s'ensuivit, mettant fin dans une atmosphère de guerre civile à l'action des Gracques. Bonjour Thibault Lanfranchi. Bonjour Nicolas, bonjour Xavier Mauduit. Guerre civile a été évoquée. Ici, on peut dire que ce moment du 2e siècle avant Jésus-Christ, avec la réforme des Gracques, nous étions à deux doigts de la guerre civile. À deux doigts de la guerre civile, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois à Rome, depuis bien longtemps, qu'un conflit politique se résout dans la violence et dans l'assassinat. Des assassinats nombreux, on parle de plusieurs centaines de morts pour Tiberius Gracchus, et plus de 3000 pour l'assassinat de son frère Caius Gracchus, 10 ans après. Ah oui, quand même. Hein. Donc il y a du sang dans cette histoire-là, il y a une réforme agraire. Bonjour Clara Berendoner. Bonjour. Que je prononce bien votre nom. Dites-nous, qui sont ces deux gars qui nous intéressent aujourd'hui? Nous avons deux frères, Tiberius et Caius. Ils viennent d'où? Alors, ils viennent de la plus haute aristocratie romaine. Leur père a été deux fois consul, censeur, ce qui est une responsabilité publique de la plus haute importance, triomphateur. Leur mère est la fille de Scipion l'Africain, le vainqueur de la Deuxième Guerre Punique, donc un héros de guerre au prestige absolument inégalé. Et ces deux jeunes gens sont aussi étroitement liés à des individus qui sont les plus importants juristes de leur temps. On a un passage de Cicéron qui dit que, en fait, les auctores des lois des Gracques, donc littéralement les initiateurs, ceux qui les ont pensés, étaient deux frères, Publius Mucius Scaevola, consul en 133 avant Jésus-Christ, et son frère Publius Licinius Crassus Mucianus, qui avait été adopté dans une autre lignée de l'aristocratie romaine, lui aussi consul, et qui étaient les deux plus grands juristes de leur temps. Donc, vraiment, on a à la fois une élite politique et intellectuelle de premier plan. Oui, ce ne sont pas des gueux, ces deux frères, Tiberius et Caius Gracchus, avec, vous venez de nous le dire, une victoire de Rome contre Carthage. Faut peut-être nous présenter Rome au 2e siècle. Nous sommes bien loin de cet empire que nous voyons sur une carte qui fait tout le tour de la Méditerranée. C'est quoi Rome au 2e siècle avant Jésus-Christ? C'est une cité qui a déjà pris une importance considérable en Méditerranée. On peut dire qu'à la date des Gracques, en 133, Rome contrôle la partie occidentale de la Méditerranée. Elle a vaincu Carthage à l'issue de 3 importants conflits. Le dernier, le troisième, s'est achevé en 146, donc une dizaine d'années avant les réformes de Tiberius. Et elle commence également à avoir pris pied très fortement dans la partie orientale de la Méditerranée, avec des victoires contre la monarchie séleucide, hein, notamment 188, une paix importante, la paix d'Apamée, et contre la monarchie macédonienne. Il n'y a pas encore de province romaine en Orient, en Asie. La première va arriver précisément à l'issue de la mort d'Attale III en 133, et ça va jouer un rôle dans les ennuis de Tiberius Gracchus. Oui, peut-être. Bah oui, on va en parler parce que c'est un moment très particulier de cette histoire romaine, et on sent bien que ce que nous allons évoquer aujourd'hui, ce n'est pas simplement ce moment des Gracques au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça a un écho considérable pour la suite. Non, ça va globalement bien pour Rome, qui a réussi à vaincre Carthage. Là, on peut le dire, parce que c'est toujours important de saisir dans quel contexte naît la contestation et la colère et la nécessité de réforme. Ça va plutôt pas mal quand même. Oui, oui. La situation économique globale de la cité romaine est tout à fait positive, en raison notamment de la victoire sur la Macédoine en 167, qui a rapporté un butin de guerre tel que la contribution directe de guerre payée par les citoyens romains, le tributum, a été suspendue. Donc, être citoyen romain à partir de là présente quand même un avantage politico-économique conséquent. Vous ne payez plus d'impôts. C'est pas rien. Ça n'est pas rien. Mais d'où vient le problème alors? Alors, si je remontais juste un minute, ça n'est pas rien, mais ça pose des problèmes intéressants, puisque les finances publiques romaines vont très bien, mais les citoyens ne payent plus l'impôt. Donc, l'argent qui rentre dans les caisses ne vient plus des citoyens. Ce qui peut poser problème sur la question de qui a droit à cet argent et de comment on peut le distribuer. Et puis, il y a une histoire sociale ici. Hein. Clara Behrendener, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et... On peut le dire, c'est une société inégalitaire. On imagine, dès que l'on dit République romaine, le mot de République nous fait penser à des choses magnifiques et positives. Non, c'est une société très inégalitaire. Oui, la société romaine est une société censitaire, c'est-à-dire que la place de chacun dans la société politique est déterminée par le montant de son patrimoine. Les citoyens romains sont classés en 5 groupes, 5 classes censitaires, et l'appartenance à ces 5 classes détermine... le fait que vous êtes mobilisable dans les légions et détermine aussi le poids de votre vote dans la plus importante des assemblées politiques romaines, les comices centuriates. Tous les citoyens romains, et certaines estimations disent que en fait ça serait à peu près la moitié, qui sont en dessous du niveau censitaire minimal pour être dans les 5 classes, sont infraclassem ou prolétaires, c'est-à-dire que leur seule richesse est leurs enfants, et eux donc ne sont pas mobilisables. Et dans le système des classes, des comices centuriates, sont très rarement appelés à voter. Et puis, il y a une élite politique qui est composée des chevaliers romains qui ont un patrimoine de plus de 400 000 sesterces et des sénateurs qui ont les mêmes conditions patrimoniales. Donc, c'est énorme par rapport aux membres de la première classe. Hein. C'est un niveau très largement au-dessus. Et les sénateurs donc se qualifient ou se caractérisent par le fait d'avoir exercé des responsabilités politiques, des magistratures, et à l'issue de leur magistrature, donc ils rejoignent le conseil de la cité, le Sénat, où ils sont, dont ils sont membres à vie, et qui est vraiment l'instance décisionnelle du système républicain. Donc ça fait 300 personnes. Et donc on a une cité qui est gouvernée par 300 personnes. Thibault Lanfranchi, maître de conférence en histoire romaine à l'université Toulouse Jean Jaurès. Dans ce que nous venons d'entendre ici, on sent bien que l'argent ou la propriété foncière, c'est ça aussi qui fait la puissance. Hein. Enfin, comme toujours. Oui, bien sûr. Alors ça le fait doublement parce que d'une part, les bénéfices de la conquête sont très inégalement répartis dans la société romaine. Évidemment, ceux qui en profitent le plus sont les classes dirigeantes. Et on peut même dire qu'il y a une volonté de la part de l'État romain de privatiser la gestion de la conquête et les fruits de la conquête. Et ça l'est aussi parce que, du point de vue patrimonial, foncier, les sénateurs devaient vivre essentiellement de leurs terres. Un plébiscite très célèbre qui date de l'époque de la Deuxième Guerre Punique, interdisait aux sénateurs de posséder des navires de plus d'un certain tonnage pour les détourner du grand commerce et les faire vivre uniquement des revenus de la terre. Eh oui, c'est ça, hein, les revenus de la terre. Mais à qui appartient la terre? D'ailleurs, c'est toute la question, parce que dès que nous pensons à Rome, bien sûr, il y a cette puissance militaire, c'est une chose, mais il faut des combattants. Et alors, ces combattants, pendant qu'ils partent combattre, ils ne sont pas en train de s'occuper de la terre. Comment ça se passe ici, la propriété foncière? Alors, on peut dire que il y a 2 grands types de terres dans le monde romain, comme aujourd'hui en réalité. Vous avez les terres dites publiques, appelées ager publicus, et les terres dites privées. Et il y a un troisième terme qu'on entend parfois, qui est l'ager romanus, c'est-à-dire le territoire sur lequel Rome a sa domination. Mais cette ager romanus peut être susceptible d'appropriation privée, ce sont des terres privées qui appartiennent à vous, moi, un sénateur, un autre, et ces terres publiques, ager publicus, qui sont le domaine de l'État, la propriété collective de l'État, que l'État romain et les magistrats doivent maintenir, entretenir. Normalement, ils ne le vendent pas, ils ne doivent pas en tout cas le diminuer, même si, évidemment, ils peuvent le céder pour rembourser des dettes. Ça s'est vu après la Seconde Guerre punique, hein, évidemment, où l'État romain s'était très endetté pour soutenir l'effort de guerre. Ils peuvent aussi le louer, le laisser occuper par des propriétaires contre paiement, normalement, d'une redevance qu'on appelle le vectigal en latin. Mais évidemment, la grande difficulté, c'est que ce vectigal n'était pas forcément toujours immédiatement payé, et surtout que pour bien déterminer qu'une terre est publique ou privée, il faut qu'elle ait été cadastrée, et vu la masse de terres entrées sous domination romaine en Italie, évidemment à l'issue de la conquête de l'Italie, puis ailleurs après, la réalité de ces procédures de cadastration n'a pas toujours été faite avec la plus parfaite précision souhaitable. Oui, on comprend bien, hein, que c'est une histoire de à qui appartient la terre, faut la cadastrer. Non, mais c'est très intéressant de voir cette réflexion autour de l'ager publicus. Donc c'est quoi ce territoire qui appartient normalement à l'État, mais que certains s'approprient facilement, c'est ça qu'on peut dire ? Alors, la guerre publicus a été constituée dans une première phase lors de la conquête de l'Italie par Rome, donc entre 396 et 272, par confiscation des terres des cités vaincues. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième grande phase de formation de cette guerre publicus au lendemain de la deuxième guerre punique. Les Carthaginois, le fameux général Hannibal avait envahi la péninsule italienne et de très nombreuses cités d'Italie avaient trahi Rome pour se ranger du côté carthaginois. Donc elles ont été punies par la confiscation de un tiers à la moitié de leur territoire agraire en 201, à la fin de la deuxième guerre punique. Donc cette agere publicus s'est considérablement accrue en Italie centro-méridionale à ce moment-là. Et effectivement, ce sont des terres qui sont loin de Rome, dans les conditions matérielles de l'époque. En plus, l'Italie, c'est un pays très long encore aujourd'hui. Donc être capable de se rendre compte du statut des terres, qui dépend uniquement en fait de bornages établis sur place, et une borne, ça peut se déplacer, c'était très difficile pour les autorités romaines. Quel est le problème à ce moment-là ? Pourquoi on les a cités, hein, ces deux frères Gracques, Tiberius et Caius, décident-ils de faire une réforme ? Parce que, vous nous l'avez dit, hein, ils viennent de la bonne société, donc en soi, ils peuvent profiter d'un système où les plus puissants bénéficient des terres. Qu'est-ce qui ne leur va pas à eux ? Voilà, vous mettez le doigt tout de suite sur les questions difficiles. Alors, on en reparlera. Il y a une interprétation traditionnelle qui a longtemps prévalu et qui maintenant a été largement remise en question. Si on lit les sources principales, la fiabilité desquelles est discutable, mais si on les lit, que nous raconte Plutarque ? Qu'un de ses frères, Caius, raconte en fait que Tiberius, rentrant de son service en Espagne pendant la guerre de Numance, traverse l'Italie et notamment l'Étrurie et est horrifié de voir en fait l'absence totale de paysannerie traditionnelle mais des grandes propriétés remplies d'esclaves à la place des paysans romains. Et ce qui l'inquiète derrière ça, c'est pas tellement la disparition de la paysannerie pour la paysannerie, c'est que comme l'a dit Clara, nous sommes dans une société censitaire où il faut en dessous d'un certain seuil de fortune minimale, vous n'êtes pas appelé à servir à l'armée. Et donc, s'il y a un appauvrissement généralisé de la population, le risque, c'est une perte de mobilisables, une perte de troupes. Et ce qui inquiète grandement Tiberius, en réalité, c'est la potentielle diminution du pool de soldats mobilisables pour Rome à une époque où, eh bien, malgré tout, les Romains, si leur situation, on l'a dit, est plutôt bonne, sont quand même engagés dans des conflits. La guerre de Numance s'est à peine achevée à l'époque de Tiberius Gracchus. Et s'ils veulent maintenir leur domination à l'échelle de la Méditerranée, ils ont besoin de ce réservoir humain. Donc, c'est peut-être moins la crise agricole, qui de fait n'a pas eu lieu en réalité, on y reviendra, que ce potentiel problème démographique tel que perçu, j'insiste là-dessus, tel que perçu par Tiberius, qui a pu l'inquiéter. Oui, Tiberius, c'est l'aîné des deux frères. C'est l'aîné, hein. Tout à fait. C'est le grand. Vous venez de le dire quand même, il n'y a pas de crise agricole. Parce que c'est très très important de déconstruire tout simplement une histoire que l'on retrouve déjà dans les sources antiques. Hein, crise agricole, et puis donc réforme agraire, et on essaye de régler la solution. C'est pas tellement ça. On sent que c'est une vision beaucoup plus large que peut avoir Tiberius. C'est une vraie question démographique et sociale, tout simplement. C'est faire fonctionner Rome. Oui, en gros, donc ce sont deux chapitres de sa biographie par Plutarque qui permettent de saisir ce qui aurait fait naître l'idée de sa réforme et ses motivations. Et là, déjà, il faut être très attentif parce que Plutarque, donc, est un biographe du deuxième siècle de notre ère, donc qui écrit en grec longtemps après les faits et qui, par ailleurs, est un spécialiste de philosophie morale platonicienne, pas un historien. Donc, fait de Tiberius, en fait, un exemple du problème moral de la proportionnalité entre la fin et les moyens de l'action politique. Donc, déjà, de ce point de vue, son témoignage peut pas être pris absolument au pied de la lettre. Et puis, donc, à côté du passage que Thibault vient d'évoquer, il y a un passage où Plutarque prétend citer un discours de Tiberius Gracchus par lequel il aurait justifié sa réforme, donc en évoquant de façon extrêmement imagée l'appauvrissement des soldats romains, des citoyens soldats romains, qui erraient en Italie comme des bêtes sauvages, et le discours se termine en disant eux qui sont responsables de la conquête du monde, ils n'ont plus une seule motte de terre à eux. Et donc, ce que pose aussi Tiberius, vraisemblablement, c'est le problème de la proportionnalité des droits et des devoirs du citoyen soldat. À partir du moment où vous faites quelque chose pour la cité et vous lui permettez d'être la première puissance mondiale en ayant conquis la Méditerranée, qu'est-ce que la cité vous doit ? Eh oui, tout simplement. Alors, les sources essentielles dans cette question-là, vous venez de le dire, hein, Plutarque écrit au IIe siècle après Jésus-Christ sur des questions qui datent du IIe siècle avant. Autrement dit, il écrit Plutarque. Moi, je vous propose une autre archive, une autre source, c'est Appien. Le reste des citoyens se moquait complètement de la précédente loi agraire, jusqu'au jour où un membre de la noblesse, auréolé d'une généreuse ambition et orateur très capable, Tiberius Sempronius Gracchus, qui pour toutes ses raisons à la fois était très connu de tout le monde, prononça, une fois tribun, un discours à la gloire des peuples de l'Italie, où il exposait que c'était d'excellents soldats, parents des Romains, mais qu'ils allaient petit à petit à leur perte, réduit au dénuement et à la dépopulation, sans même l'espoir d'une amélioration. Il exprima d'autre part l'indignation que lui inspirait l'engin servile, exempte du service militaire et toujours déloyal envers ses maîtres. Et il cita à l'appui de ses dires les malheurs récemment arrivés aux maîtres en Sicile du fait de leurs esclaves. De cela aussi, le nombre s'était accru à la faveur des travaux agricoles, et la guerre que les Romains avaient été obligés de mener contre eux n'avait été ni facile, ni courte, mais avait traîné en longueur et connu des péripéties diverses et dangereuses. Avec Appien, nous sommes avec un contemporain de Plutarque. Ils écrivent au même moment, c'était dans le cours de l'histoire, une lecture d'Anne Toscane Viudes. Avec Anne Toscane, nous sommes un tout petit peu au nord du Latium, avec là quand même un panorama, Thibaut Lanfranchi, qui correspond à ce que vous disiez. C'est-à-dire que malgré tout, chez Appien, il y a un lien fait entre les réformes des Gracques et puis la nécessité d'avoir une population qui puisse être armée, en tout cas qui puisse défendre, voire alimenter des conquêtes. Oui, alors c'est vrai que Appien met le lien sur quelque chose, mais la différence c'est qu'Appien présente les choses comme une liée à une crise démographique, à une baisse de la population, à une crise de l'agriculture traditionnelle avec cette idée d'une disparition de cette agriculture, de cette paysannerie traditionnelle et de cette augmentation très forte du nombre d'esclaves. La guerre servile à laquelle il est fait référence est ce qu'on appelle parfois la première guerre de servile de Sicile, qui a lieu entre 139 et 132. Le problème est qu'en réalité, cette vision qui a longtemps nourri une espèce de cercle interprétatif vicieux, c'est-à-dire appauvrissement des citoyens, baisse démographique, crise agraire, qui aurait entraîné une situation économique justifiant ces problèmes, n'est pas juste. Et oui. Par ailleurs, Appien présente les choses d'une façon tout à fait originale. Si vous avez bien fait attention au texte qui a été lu, il n'est pas en train de parler des citoyens romains, mais des Italiens, c'est-à-dire les cités alliés de Rome. Au moment de la conquête de l'Italie par Rome, les Romains ont conclu des traités d'alliance avec les cités vaincues qui obligeaient ces cités vaincues à leur fournir des contingents militaires quand Rome le demandait. Et ces contingents militaires qui combattaient aux côtés des légions et qui correspondaient à peu près 50-60% des effectifs mis sur les théâtres d'opération par les Romains sont ceux dont le sang a scellé la conquête romaine du bassin méditerranéen. Et ce que Appien fait, en fait, c'est que lui, il évoque les Gracques dans sa préface à une histoire des guerres civiles, et il voit dans cet épisode des Gracques ce qui a fait naître un antagonisme entre Italiens et Romains et ce qui a mené à la guerre sociale, le grand conflit qui entre 91 et 89 avant notre ère a opposé les Romains à leurs alliés italiens et qui a contraint les Romains à donner la citoyenneté romaine aux Italiens à la fin. Clara Berendonner, merci beaucoup d'opposer ces Romains aux Italiens, parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas du tout dans la lecture bien souvent de l'Antiquité romaine. On imagine l'Italie comme un tout. Non, il y a des oppositions déjà internes, mais est-ce que ces oppositions-là sont sociales? Parce que vous venez de nous le dire, ces Italiens, ce sont les effectifs de l'armée, ce sont ceux notamment parfois qui ont pu soutenir Hannibal et donc qui se sont fait piquer leurs terres. Ces tensions-là, on sent qu'elles dépassent simplement juste une question de grande propriété, hein. Oui, elle renvoie à une situation qui est le fait que les Romains, quand ils ont conquis l'Italie, n'ont pas annexé au sens de la citoyenneté tous ces peuples. C'est-à-dire qu'ils se sont pas, n'ont pas voulu leur donner la citoyenneté romaine, et ces populations ne la voulaient pas d'ailleurs au départ, et ils n'ont pas voulu opter pour une administration directe avec leurs propres magistrats. Et donc il faut bien imaginer que cette l'Italie à cette époque est encore en réalité une mosaïque de statut juridique, de droit politique, et donc que la situation est très variable d'une cité à une autre, et que vous avez, pour simplifier, les citoyens romains, mais qui représentent en réalité très loin de la majorité, des populations qui ont un droit un peu intermédiaire à l'histoire compliquée et ancienne, le droit latin, et puis bah, ces fameux alliés, les socii, hein, la guerre sociale, ça vient de ce terme, les socii, les alliés d'Europe, qui ont gardé leur personnalité juridique. Alors évidemment, ils sont dépendants des Romains, ils doivent payer des impôts, ils doivent des troupes. Et Clara a bien rappelé que la moitié de l'armée romaine, quand on pense à l'armée romaine, la moitié en général, ce sont en réalité ses alliés. Mais ils ont gardé leur personnalité juridique, leurs propres institutions dans leur cité, etc., etc. Et donc, pour revenir à la réforme de Tiberius Gracchus, la lecture que propose Appien est très particulière aussi. C'est-à-dire que avant 133, le moment où Tiberius Gracchus fait sa réforme, certes, des terres avaient été confisquées aux cités italiennes en étant transformées en ager publicus, mais un certain nombre d'alliés italiens avaient été autorisés à garder ce qui était leurs anciennes propriétés foncières sur ces terres, en payant donc un loyer aux autorités romaines. Et ce que Appien affirme, c'est donc que en 133, ses alliés italiens ont été contraints de rendre leurs terres, et de façon à ce que la réforme agraire de Tiberius Gracchus puisse bénéficier aux seuls citoyens romains, et que c'est ça qui a fait naître la haine en fait des Italiens contre les Romains et leur volonté, paradoxalement, de résoudre la situation en devenant eux-mêmes citoyens. Oui, c'est ça, hein, c'est trouver des solutions pour que tout cela fonctionne avec une loi, une réforme, c'est celle de Tiberius. À peine affichée, la proposition de Tiberius suscita l'opposition d'une importante partie de ceux qu'elle menaçait dans leurs intérêts les plus précis. Et surtout, la loi s'improgna, enlèverait presque sûrement aux aristocrates leurs terres les plus riches. Ainsi, quelle qu'ait été son habileté manœuvrière, Tiberius ne put éviter la formation d'une grosse opposition. Et celle-ci, recourant à un moyen classique, suscita le veto d'un tribun, un Octavius, qui n'est connu que par cet acte. Octavius, donc, intercéda. C'est-à-dire que la loi qui était sur le point d'être votée par les comices tributes fut immédiatement retirée de l'ordre du jour. Alors Tiberius provoqua la déposition du tribun récalcitrant. Et il fut procédé immédiatement au remplacement de celui-ci. C'était là un fait inouï, sans aucun précédent. Bien plus, c'était une atteinte portée au caractère sacro-saint particulier à cette magistrature. Enfin, un renversement du régime, car en fait, c'était rendre à l'Assemblée du peuple une souveraineté absolue et permanente, alors que les magistrats romains, une fois élus, étaient jusqu'alors indépendants de ces assemblées. En 1953, William Seston, professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui s'exprimait à propos de la loi de Tiberius, avec, ici, il nous faut deux temps de réponse. Le premier, c'est quelle est cette loi? Et puis après, on pourra développer les réactions. Qu'est-ce qu'il propose avec cette loi? Elle a un nom, Sempronia. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Pourquoi elle s'appelle comme ça? On le sait? Parce que c'est le nom, ça vient de Sempronius, Tiberius Sempronius Gracchus. Sempronius est le rogateur de la loi, celui qui la propose, et il donne son nom à la loi. Alors c'est quoi cette loi? Alors, c'est une loi donc qui a pour objet l'ager publicus, et qui propose d'établir un maximum de surface que l'on peut posséder sur ces terres publiques de la cité romaine. Donc, ce maximum étant de 500 jougères. Le jougère, c'est l'unité de mesure des surfaces foncières à Rome, un quart d'hectare, donc 125 hectares, c'est pas énorme. Avec la possibilité pour les pères de famille qui ont des enfants, d'avoir plus que ces 500 jugères, 125 jugères de plus par enfant. Et puis sur toutes les terres supplémentaires qui vont être récupérées, on va constituer de petits domaines, de petits lots de terres dont on pense qu'il faisait 30 jugères à partir d'une loi épigraphique plus tardive qui semble donner cette indication, qu'on va donc distribuer aux citoyens romains modeste, en pleine propriété, pour donc leur assurer le niveau censitaire qui leur permette d'être mobilisables dans les légions. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse, ça, pour avoir des hommes mobilisés. Oui, alors déjà, c'est ce qu'a dit Clara est parfaitement exact, avec deux petits ajouts, si je peux, qui montrent déjà toutes les difficultés. C'est que cet ajout sur les enfants, par exemple, Appien n'en parle pas, donc il n'est pas totalement certain. Et comme elle l'a dit, en fait, la taille des lots redistribués est reconstruite par comparaison avec une loi épigraphique plus tardive, mais on ne sait pas exactement quelle était la taille des lots distribués. Donc même sur cette loi qui se réduit à ces trois mesures a priori très claires, en réalité, nous avons des doutes sur certains points. Mais doute, parce que ici, c'est le travail de l'historienne, de l'historien, de travailler à propos d'une loi et des sources, parce que c'est bien complexe tout ça. On a des sources tardives, on a cité Appien, on a cité Plutarque, mais c'est 4 siècles après les faits. L'épigraphie aussi nous donne des indications. Et puis, vous l'avez cité tout à l'heure, Clara Berendonner, il y a ces bornes. Parce qu'on parle de cadastre, donc il y a des limitations, elles existent encore ces bornes? Enfin, on en retrouve. Alors, effectivement, un point que j'ai oublié à l'instant, ce que prévoyait aussi la loi Sempronia de Tiberius Gracchus, c'est la mise en place d'une commission de 3 membres, donc un triumvirat agraire, avec pouvoir de juridiction initialement, pour opérer ces opérations de récupération de terres et re-répartition. Et on a retrouvé une série de bornes épigraphiques qui portent les noms des membres de cette commission, donc en Italie centro-méridionale, ce qui permet de suivre à peu près la chronologie de leurs activités. Oui, ça veut dire que la réforme est mise en application, hein. Elle est mise en œuvre tout à fait, elle dure même pendant quelques années, les redistributions semblent s'arrêter vers 129, en tout cas on n'a pas de CIP après cette date, mais le triumvirat agraire est mis en œuvre et est actif. Voilà, CIP, c'est une borne. Hein. Oui, c'est une petite borne qui permet de délimiter les terrains. Et bien voilà, nous sommes avec les Gracques à Rome, au 2e siècle avant Jésus-Christ, précisément en 133 avant Jésus-Christ. La réforme est là, elle est désormais appliquée, rend les terres. Et oui, de la reconstitution de la musique de la Rome antique dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon et avec les Gracques. Alors dites-nous, bon, la réforme, ça y est, on a bien compris, hein, et c'est très clair d'ailleurs comme réforme, c'est assez lisible avec toutes les limites à donner à notre connaissance précise de la réforme. En revanche, la réaction, quelle est-elle? Dans l'archive que nous avons entendue du professeur Seston, oui, tout de suite, il y a opposition. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Et c'est très violent tout de suite. Appien et Plutarque disent que la motivation de cette opposition était en fait l'égoïsme et l'intérêt personnel de certains sénateurs qui louaient de très grandes surfaces de terre sur l'Ager Publicus et qui donc se sont sentis lésés par la réforme. Notamment donc Publius Cornelius Scipion Nasica, consul en 138 avant notre ère, qui sera l'initiateur de la répression contre Tiberius. Et puis un tribun de la plèbe, collègue de Tiberius en 133, Marcus Octavius. Et dans ce contexte-là, finalement, les sénateurs romains procèdent d'une façon très traditionnelle. Quand à Rome, on veut s'opposer à un projet de loi, qu'est-ce qu'on fait ? On recourt aux pouvoirs particuliers qui sont ceux de cette magistrature de tribun de la plèbe. Il y a 10 tribuns de la plèbe élus chaque année. Donc, il suffit d'en trouver un qui fasse opposition à une mesure proposée par un de ses collègues et on peut s'en tirer. Mais là, Thibault parlera mieux que moi, car il est le spécialiste des tribuns de la flemme. Bah si, il faut... Mais effectivement... Il faut l'assumer. Hein. Je l'assume. Effectivement, comme l'a dit Clara, c'est la méthode traditionnelle. On va chercher, et sur un groupe de 10 tribuns élus, en général, on peut assez facilement en trouver un, quelqu'un qui va faire opposition en utilisant son droit de veto. La grande nouveauté, c'est qu'évidemment, Tiberius Gracchus va vouloir passer outre. Alors, il était déjà passé outre d'une certaine façon, en ce sens qu'il avait, alors c'était pas le premier à le faire à l'époque, mais présenté sa motion sans l'accord du Sénat. Alors que traditionnellement, on doit obtenir l'accord du Sénat, mais ça, d'autres l'avaient fait avant lui. Mais faisant face à l'opposition d'Octavius, il va avoir cette action totalement novatrice, qui va être de proposer sa destitution par le peuple, avec ce raisonnement qui est que ce que le peuple a fait, le peuple est en droit de le défaire. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le premier, parce que Tite-Live nous rapporte un épisode impliquant le papa de Tiberius, qui s'appelait également Tiberius Sempronius Gracchus, qui dans les années 180 avait été impliqué dans une affaire semblable où un tribun s'était opposé de façon assez virulente à un triomphe. Et il avait défendu l'idée que le tribun ne pouvait pas agir de cette façon pour raison personnelle, parce que le tribun est un mandatum populi romani, un mandat du peuple romain. Donc le père des Gracques avait peut-être déjà mis en avant cette idée, mais elle est réaffirmée avec une radicalité totalement neuve par Tiberius Gracchus, et de fait, Octavius a été déposé, on est allé, alors il y a des scènes poignantes dans Plutarque, où il nous explique que Tiberius a supplié en pleurant Octavius d'arrêter de s'opposer à lui, et que faisant face à l'action résolue du tribun, il a fait voter ça. Évidemment, ça c'est quelque chose de tout à fait neuf, puisque... ça pose, d'un point de vue politique, la question de la place du peuple également. Clara l'avait évoqué tout à l'heure, mais ça aussi, ça la pose. On l'a vu sur la justesse des droits et des devoirs, mais on le voit aussi sur l'importance des assemblées du peuple, en disant que l'assemblée peut défaire ce qu'elle a fait, et que même un personnage aussi sacro-saint que le tribun, parce que la personne du tribun était protégée à Rome, on ne peut pas s'en prendre à lui sans risquer une mise à mort immédiate, et même lui n'est pas à l'abri d'être destitué si le peuple en a décidé. Ouais, d'accord. Il y a deux choses qui sont extrêmement nouvelles ici. Bon, la réforme agraire, c'est très net, mais il n'y a pas que ça. Il y a la manière de la faire appliquer aussi. Quand on parle des Gracques, c'est pas juste la réforme agraire. C'est comment il fait appel au peuple. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est une place qui est donnée au peuple qu'il n'avait pas auparavant? Oui, de façon certaine. À Rome, les magistrats, les responsables publics ne sont pas les représentants des citoyens. Ils ne leur doivent rien. Il n'y a pas de compte-rendu final devant le peuple comme dans l'Athènes démocratique du 5e siècle. Là, l'idée que fait naître Tiberius Gracchus, c'est non seulement une idée de la souveraineté populaire qui est déjà attestée avant lui à Rome, mais c'est l'idée que les magistrats peuvent être les représentants du peuple. Et donc, ne sont légitimes, ils poussent ça très loin, que tant qu'ils accomplissent la volonté du peuple. Évidemment, pour les adversaires de Tiberius, le problème était de dire que qui dit ce qu'est la volonté du peuple ? C'est Tiberius lui-même. Oui, c'est ça. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui nous parle encore aujourd'hui, ces réflexions, parce que nous sommes dans la Rome antique, qui n'est pas du tout la Grèce antique et encore la Grèce athénienne avec cette idée de démocratie. C'est pas vraiment ça. Dans cette histoire-là, nous sommes évidemment dans Rome qui s'étend, qui vient de battre Carthage, ce qui nous permet d'ailleurs de traverser la Méditerranée. Nous sommes au sommet de cette colline de Birsa, qui est le haut lieu de Carthage. Nous sommes ici sur un mur qui domine des vestiges à la fois de l'époque punique et de l'époque romaine. Et les fouilles internationales, dans le cadre de la campagne internationale de sauvegarde de Carthage, ont permis le dégagement de ce quartier qui se trouve au flanc de cette colline. C'est un ensemble urbain très élaboré, très rectiligne, orthogonal. Vous voyez, il y a une rue très large, de 6 à 7 mètres de largeur, qui est absolument rectiligne. Et en face de nous, le quartier qui a été dégagé. Ce quartier date de la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ et il aura vécu jusqu'en 146 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la date de destruction de Carthage. Abdelmajid Enabli, historien archéologue tunisien et conservateur du site archéologique de Carthage en 1987, parce que cette réforme agraire voulue par les Gracques et notamment Tiberius s'applique en Italie, bien sûr, on le comprend, mais pas seulement. Et c'est ça qui peut nous intéresser ici. Parce que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je veux dire, réfléchir à donner des terres aux gens, ça implique pour Rome de peut-être penser au lointain? Alors, en fait, la réforme de Tiberius en 133 ne concernait que l'Italie. Ce sera la reprise de sa réforme par son frère cadet, Caius, en 123-122 avant notre ère, qui, elle, ouvrira de nouveaux horizons en prenant en compte la guerre publicus qui se trouve hors d'Italie et en particulier en Afrique du Nord, sur le site de Carthage, vaincue et détruite par les Romains en 146. Ce qui veut dire que la réforme des deux frères, premier temps Tiberius en 133 avant Jésus-Christ, qui vaut pour l'Italie, et le petit frère qui arrive derrière Caius, qui en fait prolonge la réforme. Tiberius, entre-temps, il est devenu quoi? Il n'a pas très bien fini, c'est-à-dire que la radicalisation de l'opposition a conduit finalement à sa mise à mort, mais à sa mise à mort violente. C'est-à-dire que il y a une demande de la part de certains... au personnage romain de se débarrasser de lui. Les magistrats en exercice, le consul, refusent de s'engager sur cette voie violente. Et donc, comme l'a dit Clara, c'est Scipion qui, dans un geste très théâtral, en remontant sa toge, appelle à le suivre et à s'en prendre aux Gracques. Et ils sont mis à mort, massacrés. Alors comment exactement, il y a des variations sur la façon dont Tiberius est mort, un coup de banc, mais toujours est-il qu'il est mis à mort dans la violence et avec plusieurs centaines de ses soutiens. Mourir par un coup de banc. C'est pour ça que les histoires de l'Antiquité romaine sont toujours édifiantes. Donc ça se termine dans le sang, mais comme on l'a dit, la commission continue à fonctionner. Et la commission agraire comporte à l'époque notamment le petit frère. Caius, qui est membre de ce triumvirat agraire. Elle va fonctionner pendant quelques années, puis la situation va se tasser, notamment parce que le frère commence sa carrière. Il est notamment nommé questeur en Sardaigne, donc il doit quitter Rome en 126, et ça va apaiser les tensions. Qu'est-ce que ça nous dit le fait que Caius, donc le petit frère, en prolongeant la réforme de son grand frère, s'intéresse à ces territoires lointains, et notamment Carthage. Carthage, c'est hautement symbolique, parce que si on regarde la chronologie, la victoire sur Carthage, c'est là, c'est hier, c'est encore dans les mémoires. Oui, et d'autre part, le vainqueur de Carthage en 146, c'est le beau-frère des Gracques. Il a épousé leur sœur, Sempronia. Et donc, on est dans une histoire de famille aussi de ce point de vue. Caius, c'est un personnage extrêmement intéressant à lire la biographie de Plutarque. Il est d'abord présenté chez Plutarque comme donc le frère cadet. Il a 10 ans en gros de moins que son aîné. Un frère cadet mu par un amour de ce frère disparu. On a chez Plutarque une très belle scène un peu shakespearienne qui commence la biographie de Caius. Au début, il voulait pas se lancer dans la vie politique. Et puis, une nuit, il rêve et son frère lui apparaît en songe en lui disant « Mais qu'attends-tu pour te réveiller ?» Un rêve tout à fait. Et Tiberius dit à Caius « Souviens-toi que nous aurons une seule vie et une seule mort. » Donc là aussi, sur le plan narratif, dans la biographie, Caius est programmé pour être un héros tragique et le lecteur sait comment ça va finir. Ah bah oui, parce que l'Antiquité romaine, on l'a dit, est édifiante et elle inspire aussi. On fait un énorme saut dans le temps, on arrive au XXe siècle, parce que ces Gracques, nous les retrouvons également chez Jean Giraudoux. Jean Giraudoux, on est en 1958 et les deux frères discutent. Sur quoi as-tu vécu jusqu'à notre séparation? Sur la foi en notre peuple. Sur le sentiment que notre empire sur le monde ennoblissait le monde. Que la République était la justice. La dignité. Tu sais ce qu'elle est à présent? Les discours qui m'ont accueilli me l'ont rappelé. Ma mère aussi nous le répétait chaque soir. L'histoire un jour le dira. Elle est dirigée par une élite d'esprit intègre, neuf. Par une corporation, par 200 familles qui accumulent les charges, les pots de vin, qui ne connaissent des affaires que le produit et la routine. Elle prend sa force dans des citoyens soucieux de sa gloire, éclairés. Dans un peuple corrompu, qui ne se plaît qu'au jeu, qui refuse le travail et attend sa prime et son blé comme un mendiant. Elle possède le monde, elle y distribue la justice et le bonheur. Elle massacre, elle corrompt, elle pille. Son arme est le fer, sa voix est la clarté. Les poisons courent, ils sont dans les pierres des bagues, la calomnie. Chacun son droit, chacun son dû, voilà la devise de Rome. Voilà pourquoi Ara est mort à nos pieds. Il voulait Rome grande et libre. Voilà pourquoi demain je mourrai. Ne me brave pas, ne crois pas me braver, car ils seront vengés un jour. Oui, déjà, tout se prépare. Car contre cette immondice, nous avons enfin formé notre armée. Les Gracques de Jean Giraudoux, 1958, hein, c'est la représentation de cette pièce de théâtre. Giraudoux est mort 8 ans auparavant. Ici, on l'entend à l'écho de son famille, etc. Ce fantasme du pouvoir aux mains de 200 personnes, avec bien sûr la lecture du XXe siècle qu'il y a à faire. Mais si je vous demande, Alain Allaute, Thibault Lanfranchi et Clara Berendonner, qui sont ces Gracques du point de vue social? Est-ce que ce sont des révolutionnaires? Est-ce qu'ils ébranlent la société? Que leur réforme ne plaise pas parce que les plus riches perdent de la terre, d'accord? Mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ce sont des révolutionnaires? Tout dépendrait de ce qu'on mettrait derrière le terme de révolutionnaire. Ils n'ont pas prétendu faire une révolution. Ils ont plutôt prétendu essayer de sauver Rome, de maintenir les fondations qui permettaient la puissance de Rome. Et donc, ils ont une vision plutôt patriotique, en réalité, de leur réforme. D'ailleurs, une volonté de dire que cette limitation des 500 jugères n'est que la reprise de lois agraires antérieures, hein, notamment une de 367. Donc, ce ne sont certainement pas des révolutionnaires dans le sens des révolutionnaires français ou de la révolution bolchévique en Russie. Certainement pas dans ce sens-là. Ils ont initié quelque chose de nouveau, cela étant, et qui est réel. C'est-à-dire qu'ils ont apporté de profonds changements dans la façon de concevoir l'État d'une certaine manière. Puisque, on l'a dit, la répartition des profits de la conquête, la façon dont était organisé le système de domination romaine était plutôt dans le sens d'une privatisation de ces choses-là, entre les mains des aristocrates, avec leurs réseaux, leur patronage, etc. Et eux ont mis plutôt en avant l'idée de structures publiques fortes qui devaient intervenir dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'était quelque chose d'assez neuf. Clara Berendonner. Oui, puis Caius, par rapport à Tibérius, est aussi de toute évidence, par l'importance de sa législation, il a fait voter à peu près 13 lois, quelqu'un qui essaye de penser les nouvelles conditions de l'époque, c'est-à-dire le fait que Rome soit une cité impériale. C'est pour ça que dans sa réforme agraire à lui, il y a des fondations de colonies et notamment donc une intervention sur les territoires conquis en Afrique du Nord. C'est aussi lui qui organise le recouvrement fiscal dans la nouvelle province constituée en Asie, donc la Turquie de l'Ouest actuelle, province extrêmement riche qui va assurer au trésor public romain des revenus tout à fait considérables. Donc, et tout ça pour financer aussi un programme de mise à disposition d'avantages matériels aux citoyens romains, qui va dans le même sens que la législation de Tibérius, donner aux citoyens une place, la place qui leur revient dans la communauté. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaye de penser le monde qui est son monde contemporain. Et oui, c'est pas simplement la réforme agraire. Oui, comme l'a dit Clara, il y a une différence très forte entre Tibérius et Caius, qui est que Tibérius a fait voter une loi, et chez Caius, il y a un véritable programme qui touche à pratiquement toutes les questions en suspens à l'époque. Les questions agraires, les questions impériales, les provinces, la question judiciaire, on en parlera peut-être, la question frumentaire à Rome. Donc il y a vraiment une volonté d'essayer de prendre en compte l'intégralité de la situation et d'y apporter des questions nouvelles, parce que, comme elle l'a dit, la Rome était devenue une cité impériale. Et oui, déjà, alors qu'on est sous la République romaine, c'est quoi les réformes judiciaires? La réforme judiciaire, alors c'est pour essayer d'être simple, les Romains avaient créé pour la première fois dans le courant du IIe siècle des tribunaux permanents destinés à juger les affaires de corruption impliquant les gouverneurs romains des provinces. Loi Calpurnia de 149 avant notre ère. Simplement, comment étaient jugés au titre de cette loi ces gouverneurs? Ils étaient jugés par un jury constitué de sénateurs. Donc, des leur pères du genre leur père. Ben oui. La haute cour de justice de la République, si je voulais être mauvaise langue, d'une certaine façon. Ce que va proposer Caius avec sa loi judiciaire, c'est de faire passer le contrôle de ces tribunaux à un prêteur tiré au sort et le jugement par un jury de chevaliers, de façon à essayer de ramener un peu de justice dans cet exercice. Et parce que c'est vrai que les quelques cas qu'on a entre la loi de 149 et la loi de Caius Gracchus, de procès au titre de cette loi, avaient tous débouché sur des non-condamnations. Le problème, c'est que ce faisant, il va augmenter et introduire de la division entre les chevaliers et les sénateurs, et il va créer des ferments nouveaux de division qui vont avoir une très longue portée, puisque des lois judiciaires après Caius Gracchus, il y en a un certain nombre. Eh oui, parce que c'est ça, hein. On a les deux frères Tiberius et Caius Gracchus. Caius, il a l'air un peu plus fougueux que son grand frère, hein, quand on vous entend, hein, quand même. Oui, selon Plutarque, il était tellement fougueux qu'il avait un esclave qui l'accompagnait, chargé de lui jouer un air doux à la flûte dès qu'il commençait à devenir un petit peu trop excité dans ses discours. Ah, c'est pas mal ça, tu vois, faudrait le... Alors, pas d'esclave, hein, mais mettre de la musique autour de plein de gens aujourd'hui. C'est vrai, non, mais il y a quelque chose avec Caius Gracchus qui va un tout petit peu plus loin, mais c'est tout à fait logique, hein, que ce qu'avait proposé son grand frère. Oui, oui, et puis... Caius est aussi décrit sur le plan psychologique par nos sources d'après le contenu des discours qui avaient été conservés de lui. Et Cicéron dit qu'il lit les discours de Caius Gracchus et que Caius Gracchus est un orateur absolument exceptionnel. Et on peut penser que Cicéron se connaissait dans ce genre de domaine. Et Caius était spécialiste donc de ce qu'on appelle l'éloquence popularis, populaire, qui jouait sur l'émotion de l'auditoire. Donc il y a aussi ça dans sa réputation d'homme fougueux et qui est capable de toucher son public. Quel public d'ailleurs ? Parce qu'il est censé s'adresser aux sénateurs par exemple, mais à qui peut-il s'adresser ? On l'a beaucoup évoqué, hein, les Gracques, c'est s'adresser aussi au peuple. Il a l'occasion de parler au peuple ? Oui, les occasions de parler au peuple sont très nombreuses, puisque en fait, par exemple, tout projet de loi est d'abord présenté et discuté dans des assemblées préparatoires qu'on appelle les conciones, où les promoteurs des lois s'adressent au peuple. Et puis, il y a cette anecdote fameuse sur Caius Gracchus qui dit que ce serait le premier à s'être tourné vers le peuple pour lui parler sur le forum. Alors, d'autres sources attribuent cette innovation à un autre orateur romain, mais ça pourrait être Caius, avec cette idée qu'en fait, ça renvoie à la topographie même du forum et à ce qu'on appelle le comitium, dans le nord de cette petit espace circulaire ou pas à côté de la curie sénatoriale, où on s'adressait d'abord, a priori, tourné vers la curie. Et Caius, selon donc certaines sources, aurait été le premier à se tourner vers le grand espace du forum pour s'adresser à un plus large nombre de ses concitoyens. Voilà, et Plutarque décrit cette innovation à la lumière d'une transformation du système institutionnel romain en disant que Caius a ainsi fait passer la cité romaine de l'aristocratie à la démocratie. Et oui, et c'est sûr que dès lors, les critiques fusent. On va bientôt lui porter le coup de grâce. De Carthage, ses adversaires dépêchent à Rome de graves accusations. Les terres avaient été distribuées illégalement, et jusque sur le territoire même de la ville punique, frappée d'interdits. Les dieux avaient manifesté leur courroux contre l'impie, puisqu'un ouragan avait arraché le drapeau qu'il avait planté, tandis que ses bornes étaient dispersées par les loups. Caius eut beau crier au mensonge, il n'y avait pas de loups en Afrique. Le Sénat accepta l'idée de révoquer la fondation. S'il l'emporte, Caius ne sera plus qu'un criminel sacrilège. Dès lors, le drame se précipite. Le jour du vote, Caius est apostrophé par un passant qui l'abjure de quitter Rome. Craignant pour sa vie, ses amis abattent l'inconnu à ses pieds. Les consuls, munis pour la première fois de plein pouvoir par le Sénat, appellent aux armes. Caius, en fuite, est rejoint et massacré, à moins qu'il n'ait eu le temps d'ordonner à l'esclave qui seul l'avait suivi de lui donner la mort. Une horrible boucherie s'ensuivit, mettant fin dans une atmosphère de guerre civile à l'action des Gracques. L'historien Paul-Marie Duval, en 1953, dans l'émission Heure de Culture Française, qui évoque la mort de Caius. Ah, oui, on l'entend, il y a l'écho de Carthage, hein, ça se passe mal à Carthage, ça lui est drôlement reproché. Voilà, les choses ne se passent pas normalement et l'intervention des dieux, bien sûr, manifeste que le projet politique de Caius est déviant. Il n'arrive pas à cadastrer le territoire de Carthage, donc des loups renversent les bornes et il est obligé de rentrer à Rome. Alors bon, évidemment, tout ça, c'est l'anecdote a posteriori. Sur le plan politique, les sénateurs, donc, qui étaient tout aussi opposés à sa politique qu'à celle de son grand frère, procèdent cette fois-ci de façon différente, mais toujours en recourant aux potentielles divisions à l'intérieur de la magistrature qu'est le tribunat de la plèbe. Cette fois-ci, donc, ils trouvent un autre tribun, Marcus Livius Drusus, et lui font passer par son intermédiaire une politique démagogique. Donc, Caius Gracchus voulait distribuer des terres sous forme de création de colonies, donc de cités, en gros, en Italie du Sud et en Afrique, et ben Marcus Livius Drusus va proposer 12 colonies, donc en gros de 4 fois plus de possibilités pour les citoyens romains modestes. Et donc Caius se trouve en assez mauvaise posture, il perd en popularité, il voudrait se faire réélire, il n'y arrive pas vraisemblablement, et là à nouveau donc on passe à une situation de violence politique, mais qui est différente par rapport à celle de 133, parce que on va avoir une institutionnalisation de cette violence. Oui, c'est plus un banc simplement qui est envoyé sur Tibérius. Cette fois, Caius, alors institutionnalisé, ça veut dire quoi? Il est jugé? Non, il n'est pas jugé, mais le Sénat va avoir recours à ce qu'on appelle, ce que l'historiographie appelle, mais improprement, parce que l'expression n'existe pas dans les sources, un senatus consult ultime. C'est-à-dire, en fait, une espèce de décret d'état d'urgence autorisant et ordonnant aux magistrats de mettre fin à, par tous les moyens, y compris les moyens les plus violents, à l'action de ceux qui menacent la République. L'expression latine, ne republica de trinity caperet, ceux qui risquent de mettre à mal la République. Et donc, c'est en gros une autorisation de tuer, ni plus ni moins. Tout simplement. Et c'est ce qui va se passer. Il va être mis à mort. Alors, avec cette hésitation rapportée par dans votre archive sonore, à savoir qu'en fait, Caius s'enfuit dans un bois sacré qui est situé sur le Janicule. Et là, soit il est tué, rattrapé par ses poursuivants. Dans cette version-là, son esclave l'aurait pris dans ses bras pour le protéger des coups, et c'est seulement après avoir mis à mort l'esclave qu'ils auraient pu mettre à mort Caius. Soit c'est l'esclave lui-même qui aurait mis à mort son maître pour lui éviter cette mise à mort fatale. Et puis, tout à l'heure, Thibault Lanfranchi, vous avez évoqué la Révolution française. On sait bien, on l'a écouté avec Giraudoux, écho au XXe siècle, la Révolution française, Gracchus-Babeuf. On sent bien que ces Gracques sont portés longtemps, longtemps, avec des déformations, bien sûr, dans les mémoires. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que bien souvent, pour donner une date à la fin de la République romaine, on dit 127 avant Jésus-Christ, quand Octave devient Auguste. Et 27, c'est 27. J'ai dit quoi? 127. Ah bah, vous faites bien de me corriger. Oui, 27 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est en 133 avant Jésus-Christ, avec la réforme de Tiberius Gracchus, qu'on sent déjà que les choses bougent? C'est ce qu'Appien démontre dans son histoire des guerres civiles. Lui, il prend pour borne chronologique initiale 133, justement, pour raconter les guerres civiles qui vont mener à la fin de la République, avec donc cette clé de lecture simple. 133, c'est la première fois que le sang coule pour résoudre un conflit politique qui, normalement, aurait pu se résoudre autrement. Et désormais, on va avoir une espèce de retour du refoulé permanent, en fait, et un retour du refoulé qui se concrétise, en fait. Après 133, on pourrait dire 133, on pourrait dire la fin du IIe siècle avec l'action de Saturninus Seglocia, on pourrait dire la guerre sociale, on pourrait dire Marcus Livius Drusus en 91, dernière grande tentative de réforme. Bon, c'est encore une fois une lecture a posteriori, à bien reconstruire les événements comme ça. C'est sûr que les Gracques ouvrent une séquence politique. Mais dire que les Gracques annoncent la fin de la République, c'est une vision complètement téléologique finalement de cette histoire, car la République était loin d'être terminée et morte à cette époque. Ben oui, on l'a bien dit, hein, 133 avant Jésus-Christ, la réforme des Gracques, enfin, c'est le début de la réforme des Gracques, et 27 avant Jésus-Christ, simplement pour la fin, enfin en tout cas pour la mise en place de l'Empire. Juste après la mort de Caius, le petit frère, que reste-t-il de la réforme? Elle n'est pas effacée avec la disparition des deux frères? Non, c'est très compliqué. Il y a toute une série d'autres lois. Appien parle de 3 lois agraires derrière. Il y a cette fameuse loi épigraphique L'identification de ces lois est très complexe et fait l'objet de nombreux débats historiographiques. Ce qui est certain, c'est que petit à petit, les réformes des Gracques sont vidées de leur substance en une quinzaine d'années. Ah, et tout doucement, ça veut dire que les possédants, ça y est, ont retrouvé un peu leurs droits. Pas seulement les possédants, aussi les petits bénéficiaires d'assignation. Mais en gros, ce qu'on a au 1er siècle, c'est un phénomène de privatisation de la guerre publicus qui fait qu'il n'existe pratiquement plus en Italie à la fin de l'époque républicaine. Et ben voilà, c'est un long panorama que vous nous avez offert tous les deux. Mais alors, merci vivement, parce que les Gracques, le nom est connu, mais on a du mal à savoir vraiment ce que c'est. Ben maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus clair et on voit la portée de ce qui s'est passé au 2e siècle à Rome avant notre ère. Merci beaucoup Thibault Lanfranchi. Merci Clara Berendonner. Tous les deux d'avoir été avec nous, main dans la main, pour nous faire comprendre cet épisode des Gracques. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment traduire les textes érotiques du Moyen-Âge ? J'ai déjà abordé dans plusieurs chroniques l'exercice difficile que représente la traduction des textes anciens. J'en donnerai aujourd'hui une autre illustration, en prenant l'exemple des textes érotiques du Moyen-Âge. Il peut paraître étrange que les problèmes de traduction puissent se poser pour des textes écrits en vieux français. Mais Corinne Pierville, qui a édité et commenté récemment une nouvelle anthologie de la littérature érotique du Moyen-Âge, est partie du constat que la langue médiévale est devenue une langue étrangère pour les Français d'aujourd'hui. Il fallait donc traduire ces textes anciens pour éviter au lecteur des erreurs de compréhension et lui permettre de partager les réactions du public de l'époque face à ces textes provocateurs. Mais à la différence d'une autre langue nationale, possédant ses propres règles de grammaire, l'ancien français est un langage qui nous est partiellement familier. La question est donc de savoir quels termes existants en français moderne il fallait traduire, quels sont ceux qui pouvaient être conservé. Comme le langage érotique a un rapport étroit avec les parties intimes du corps humain, c'est l'un des domaines où la question du choix des mots se pose avec le plus d'acuité. Leur charge obscène a varié avec le temps, comme l'atteste le mot « cul » qui appartient de nos jours au langage grossier, alors qu'il ne possédait pas de synonyme neutre dans la langue médiévale, car on ignorait à cette époque l'emploi des substantifs comme « postérieur » ou « arrière-train ». Autre exemple, l'usage du mot « con ». Dans la littérature érotique du Moyen-Âge, il était constamment employé pour désigner le sexe de la femme, alors qu'aujourd'hui, il est utilisé dans la langue vulgaire pour désigner une personne stupide. Étant donné qu'en ancien français, le terme n'avait pas ses connotations négatives, le choix a été fait de traduire le mot « con » par sexe, plutôt que de recourir à des terminologies plus anatomiques, comme « vagin » ou « vulve ». Comme on le voit, lorsqu'on veut traduire dans la langue française d'aujourd'hui le vocabulaire utilisé au Moyen-Âge pour désigner les parties basses du corps, il faut être très attentif au contexte afin de déterminer si, oui ou non, ces mots sont chargés de connotations populaires, scabreuses, grivoises ou obscènes. La difficulté devient quasiment insurmontable quand les textes se réfèrent à des réalités aujourd'hui disparues. Par exemple, le substantif « saineresse », qui désignait une femme médecin chargée d'effectuer les saignées, n'a pas d'équivalent dans la langue française actuelle. Au Moyen-Âge, l'usage de ce mot était ambigu, car il évoquait à la fois le verbe « saigner » et son homonyme « saigner », qui voulait dire « soigner », pris dans un sens érotique. La question qui se pose alors, c'est de savoir si la traduction doit privilégier un niveau de langue familier ou vulgaire, grivois ou obscène. Pour traduire les textes érotiques du Moyen-Âge, il faut donc s'efforcer de les rendre accessibles aux lecteurs d'aujourd'hui, sans pour autant occulter l'effet recherché par les auteurs médiévaux quand ils évoquaient la sexualité dans des termes crus. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Lily Corner, Tom Undenstock, Anne Toscan-Dudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal, Jeanne Delacroix et Maïwenn Guizhou. C'était une émission que vous allez pouvoir retrouver avec toutes nos archives, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.